Nature et moi, le jeudi de 17h30 à 18h. Bienvenue à tous dans La Nature et moi, l'émission qui vous permet d'exprimer votre émotion face à ce bouleversement climatique et de partager vos engagements envers cette belle planète. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Sébastien Brisson. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir ici. De rien. Alors Sébastien est un étudiant engagé dans plusieurs actions solidaires. Alors je vais commencer par la première. Initiateur des frigos solidaires à Nancy. Alors l'objectif de cette action, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire et aider les plus démunis. Ça a été lancé en France par une restauratrice parisienne. Voilà, ce sont des frigos à disposition des plus démunis qui se développent à l'échelle locale. Et ça a été une initiative de début d'année 2018. Ça a été lancé d'abord à Berlin, puis initié à Paris par la restauratrice Dounia j'arrive pas à le dire. Neptul. Ouais, merci. Pas de souci. Et voilà, c'est de réunir suffisamment d'argent pour acheter et installer un frigo devant un commerce. Tout le monde peut ensuite y déposer de la nourriture au profit des personnes dans le besoin. Alors Sébastien, tu as donc lancé cette initiative solidaire avec Rebecca, donc depuis environ un an et demi. Exactement. Donc au départ, c'était avec Rebecca. Ensuite, Théo nous a rejoints pour qu'au final, voilà, aujourd'hui, Rebecca, dans le cadre de ses études, est repartie à Paris. Et on est en train de continuer à essayer de le proposer sur Nancy avec Théo. Donc ça avance bien. On espère avoir des très bonnes nouvelles dans les semaines qui viennent. Ouais. Donc voilà, après, oui, je rejoins votre présentation initiée par Dounia. Donc le but, c'est de laisser un frigo en libre accès dans la rue. Un frigo qui peut être rempli directement par les commerçants aux alentours, donc avec les invendus. Invendus qui doivent respecter DLC, DLUO et une charte alimentaire préétablie, donc éviter le poisson, éviter la viande pour éviter qu'il y ait des problèmes alimentaires juste derrière. Et en fait, voilà, le but, c'est que ce soit un espace convivial, mais aussi un espace d'échange citoyen. C'est pour ça qu'on veut ouvrir la possibilité de remplir le frigo, mais également de récupérer les aliments du frigo par tous pour tous. Donc voilà, ça se situe dans cette démarche solidaire. Et vous avez eu quelques difficultés au début, ou là, comment ça se passe ? Eh ben, au début, on avait fait pas mal de radios, ça buzzait pas mal, et donc c'était très bien reçu par l'opinion publique. Mais beaucoup de commerçants qu'on avait rencontrés étaient très frileux, donc on a eu tout et n'importe quoi en réponse. C'est-à-dire que on a eu des commerçants qui nous ont dit « voilà, honnêtement, nous, c'est pas possible de nous occuper de la logistique, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci ». On a eu des commerçants très très réfractaires au niveau solidaire, justement, nous répondant que... par exemple, que les gitans allaient récupérer le frigo de nuit, ce qui est complètement faux, puisque le frigo est en fait sur roulette, donc pour pouvoir le rentrer dans le magasin de nuit. Ouais. Donc on a eu des retours un peu bizarres au début, et on a continué à s'accrocher, et là c'est vrai que ça commence à dater, hein, mais l'avantage c'est qu'on a eu des personnes qui ont donné pour le frigo, donc il y avait une cagnotte, qui ont investi dans cette cagnotte, et de ce fait-là, on s'est dit, c'est pas possible de renoncer, même si c'est compliqué, c'est pas possible. Qui plus est, donc, il faut passer par la mairie, parce que c'est la mairie qui autorise la mise en place du frigo sur la voie publique. Au départ, on voulait faire sur le marché central, d'ailleurs, on le veut toujours, hein, mais c'est très compliqué. On y reviendra plus tard, de toute façon, pour expliquer ces raisons-là, et pour voir s'il y a un avancement. Mais là, pour l'instant, c'est bien engagé au niveau de la rue Saint-Jean. Donc il y a un commerçant qui a accepté, je vais pas révéler tout de suite son nom parce que on sait jamais, peut-être que ça n'aboutira pas, mais normalement là c'est en très très bonne voie, on a l'accord de la mairie, on a l'accord du commerçant, la convention est remplie. On va envoyer la convention à Paris et avec l'argent qu'on a gagné, parce que du coup on a gagné un concours il y a pas très longtemps, il y a quelques mois de cela avec la mairie de Nancy. Donc on avait gagné 1000 euros et le but c'est d'utiliser ces 1000 euros pour renflouer le restant de la cagnotte et d'acheter le frigo donc dès qu'on peut, quoi. Dès que la mairie ils nous donnent les fonds, nous on l'achète et après c'est parti. Et normalement ça devrait aboutir. Là c'est en très bonne voie. Super, super, bravo. Et donc les denrées, voilà, sont vraiment utilisées par les plus démunis. Comment vous arrivez à voir qui l'utilise en fait ? Ça vise les plus démunis, ça vise les étudiants, ça vise les personnes en situation précaire dans la rue, ça vise les retraités, mais principalement ça vise à à lutter contre le gaspillage. Donc à partir de ce moment-là, oui. moi en tant qu'initiateur Frigo Solidaire avec Théo, nous on s'en fout quoi de oui. qui prend l'aliment tant qu'il est pris, tant qu'il est pas gaspillé. Oui. De toute façon, voilà, on va parler écologie aujourd'hui. Oui. On sait toute l'utilisation énergétique derrière, on sait toute l'utilisation ressources derrière. Donc si ces aliments à l'arrivée sont gâchés, et quand on parle d'invendu en France, ça se compte en millions et en millions et en millions ah ouais, de okay. tonnes. Mmh. Donc c'est vrai que voilà, à notre petit niveau et avec cette démarche-là, on espère démocratiser une prise de conscience, mais également cet outil qui mmh. permettra de répondre à cette question du gaspillage. Puis vous avez réussi, enfin à vous étendre un petit peu, quoi. Nancy, mais Metz aussi, ça. Metz, on nous a demandé donc de l'aide pour aider à mettre en place sur Metz. On n'a pas eu forcément de retour. C'était une classe d'ailleurs. C'était intéressant parce que c'était une classe de collège, il me semble. Ouais. Mais Metz, on s'en occupe pas directement. D'accord. C'est-à-dire que là, on se concentre sur Nancy. C'est déjà assez compliqué oui. comme ça. Et après, voilà. Le but, de toute façon, c'est de le mettre à un point de Nancy. Donc, en l'occurrence, là, en ce moment, on est sur la rue Saint-Jean, un endroit très passant, oui. un endroit qui est au cœur de Nancy, ouais. pour que ça puisse se développer derrière très largement au niveau du Grand Nancy mmh. et éventuellement, bien sûr, sur la Meurthe-et-Moselle. Mais par exemple, c'est déjà fait au niveau de Forbach, il me D'accord. semble. Bon, ben, on va suivre tout ça. Il faudra nous en dire un petit peu après la suite. Quoi. Ouais, on passera dans les radios et puis on vous invitera pour l'inauguration. Cool. Il n'y a aucun souci. Super. Alors, je vois aussi que tu es militant écologiste. Hein, donc, tu as été dans des débats, des manifestations. Quels sont les débats qui t'ont intéressé? Alors, moi, absolument tous les débats, de toute façon, je les rapporte à l'écologie. Tout ouais. simplement parce que si vous voulez parler aujourd'hui... tenez la question tendance qui me révolte au plus haut point, mais de la question du port du voile, à un moment donné, vous pouvez rapporter cela à la question sociétale. Et la question sociétale, indirectement, voilà, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux d'argent, c'est des enjeux industriels, c'est des enjeux de croissance, ce fameux mot. Donc, au fur et à mesure, on y revient. Par exemple, aujourd'hui, on parle du port du voile, mais à l'inverse, on ne parle pas de la réforme des retraites, on ne parle plus des pompiers qui se font absolument laminer par les forces de l'ordre du côté de Paris. Il y a toutes ces questions-là qui font que on passe par l'enjeu, le port du voile, pour éviter d'en parler. Et donc, au final, on en revient à l'écologie. Parce que pourquoi les pompiers manifestent? Parce que le système est mauvais. Le système est mauvais pourquoi? Parce qu'il y a l'argent. L'argent est responsable avec l'ultralibéralisme et l'ultraconsommation des problèmes écologiques. Donc, inévitablement, on y revient. Et moi, je pense qu'il faut que ça nous guide sur absolument tous les sujets, justement. D'accord. Donc, on va espérer que ça suive son cours et que les mentalités changent un petit peu. Donc tu consommes aussi responsable. Donc responsable, toi, c'est consommation bio, français, local. Ouais, j'essaye de consommer le plus de cette manière-là. Après, on va pas se le cacher, hein, je suis étudiant. c'est bien tout, mais c'est un peu la galère aussi. Ouais, après voilà, j'essaie de consommer au maximum local. C'est essayer commencer. De faire son mieux, hein. C'est ça. Avec ce qu'on nous propose, c'est essayer de faire de son mieux. Exactement. Après, voilà. Mais c'est triste d'un autre côté, parce que là, c'est là qu'on se rend compte que on nous martèle tout le temps que c'est nous l'individu, nous le citoyen français, qui devons faire la démarche d'aller consommer d'une certaine manière, parce que apparemment, si on consomme tous d'une certaine manière, le système est obligé de changer, mais dans les faits, c'est pas possible, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de consommer de cette manière-là. Et vu que ces personnes-là sont la majorité, comment voulez-vous qu'il y ait la majorité qui consomme correctement et qui fasse changer le système si à côté, voilà, on leur donne pas les moyens de le faire? Bien sûr, tout à fait. Avec tous ces engagements-là, enfin, tu m'as dit être porteur et créateur d'un dossier. Visant spécifiquement à la lutte contre le réchauffement climatique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nommé budget énergétique. Ouais, en fait, ça se situait dans une démarche. Donc, il y avait un député que j'avais rencontré au grand débat, en fait. Pendant le grand débat, il y avait un débat qui était organisé à la mairie de Nancy okay. et avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et moi, du coup, j'en avais profité pour intervenir. Et en fait, lui poser la question, donc voilà, déjà de la hausse des frais d'inscription et tout ce qui s'ensuit pour les étrangers, évidemment, mais juste derrière de l'investissement en, parce que vu qu'elle s'occupe de la recherche, de l'investissement en matière écologique, de l'investissement en matière éducation vis-à-vis de l'écologie. Et je lui ai posé toutes ces questions-là. Donc, évidemment, j'ai eu la fameuse réponse qui n'a pas de sens et qui n'a pas de fond, évidemment, de chaque politique. Mais juste derrière, j'ai eu la chance de rencontrer un député. Donc, il me semble que c'est dans la circonscription de Sion. Je me rappelle plus exactement de son nom, autant pour moi. Et ce député-là, donc, organisait une journée pour s'atteler justement sur l'écologie. Et le but, c'était de faire des tables citoyennes où tout à chacun pouvait réagir là-dessus et essayer de proposer quelque chose. De là, j'ai proposé donc le budget énergétique. Donc, je lui ai transmis, je sais pas ce qu'il en a fait, mais c'est ça. Mais le but, voilà, le budget énergétique, c'était très simple. C'était d'investir massivement donc dans l'écologie. C'était de revenir avec nos moyens de consommation, en prenant les moyens de consommation primaires déjà, donc la nourriture, l'eau, les vêtements, pour ensuite arriver sur le secondaire et le superficiel. Et au fur et à mesure, en fait, on devait à chaque fois calculer le budget énergétique, c'est-à-dire le budget, c'est-à-dire le coût énergétique, le coût en énergie, donc électricité, tout ce que vous voulez, mais également le coût en matière première, également le coût en ressources humaines, etc., etc., pour qu'en fait, au fur et à mesure, on fonctionne par ordre de priorité. C'est-à-dire D'accord. que la priorité, c'est de se nourrir, la priorité, c'est de s'habiller, d'avoir de quoi vivre correctement, et ensuite de se loger, bien sûr. Et au fur et à mesure, on abandonnerait certains trucs qui sont complètement superficiels à l'heure actuelle pour justement diminuer notre empreinte écologique. D'accord. Et ce budget-là, j'ai essayé de le construire tout seul. Je l'ai proposé avec un rapport de 4 pages, une présentation de 4 pages. Et voilà, je l'avais publié sur les réseaux sociaux. Bon, après, ça avait été bien reçu par quelques-uns, mais évidemment, j'ai pas l'audience... soit de certaines personnalités, enfin voilà, et donc j'ai essayé de proposer ça, et ça montre bien que même si c'est pas totalement abouti, un étudiant qui est un simple étudiant qui avait 20 ans à l'époque là peut très bien proposer quelque chose dans ce sens et lui aussi être source d'idées. Ah, bien sûr, tout le monde est source d'idées, et c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est on a tous des idées et il faut les donner, quoi. Hein. Il faut les partager pour avancer, quoi. Ah, bien sûr. Après, voilà, il y a des personnes qui ont la formation pour avoir un langage un petit peu plus soutenu. Et il y a des personnes qui ont un langage tout à fait normal. Et ce langage tout à fait normal, ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là ne sont moins aptes à proposer que les personnes qui parlent super tout bien, fait. Qu'on entend régulièrement à la télé. Tout à fait. Ouais. Bon, alors tout ça, ça nous amène, on va passer à ton souvenir fort, qui était randonnée à vélo dans les bois de Piémont à Mont-Saint-Martin. Et tu m'avais dit un souvenir d'une lecture posée sur un tronc d'arbre au milieu d'une couverture de fleurs blanches. Et j'ai trouvé super poétique. Ah ouais, non, mais c'était vraiment trop stylé, la situation. En fait, c'est de base, moi, au moment-là, je faisais beaucoup de vélo et j'en profitais donc pour aller dans les bois à côté de chez moi. Et c'est vrai qu'une fois en baladant dans les bois, donc je savais pas où j'allais, hein, c'est juste je faisais un tour, et je suis tombé genre sur le tronc d'arbre. On avait l'impression d'être dans un conte de fées, un truc fantastique. Ouais. C'est-à-dire c'était un tronc d'arbre sur un ensemble de fleurs toutes blanches, et ça faisait vraiment genre un coussin. Et je me suis dit bah écoute, je vais revenir, je vais reprendre le vélo, je vais prendre un livre, et je vais aller me poser là pour lire. Bon, après, c'est là que c'est intéressant, hein. C'est que l'endroit est magnifique, tout est magnifique, et puis on s'attache un peu au son, et puis on entend les voitures qui passent à côté, parce qu'il y a l'autoroute qui traverse la forêt, quoi. Aïe. Mais ouais, c'était un moment fort, parce que l'air de rien, moi qui suis né dans une ville entre la ruralité et la ville urbaine, c'est un des rares endroits où il y a encore un peu de nature, justement. Et de vie, ouais. Exactement. Et après, des animaux, on n'en voit pas trop, mais il y a quand même pas mal de vie. Et puis, te voilà, avec la preuve de cet arbre qui est couché sur le sol, c'est y a personne qui a touché, quoi. Il y a pas de passage de véhicule, il y a rien. Donc, c'est vraiment agréable. La nature à l'état brut. Exactement. Dans tes choix musicaux, j'ai sélectionné pour le premier intermède, alors attention à l'anglais, Earth Wild Free September. Écoutez Earth Wild Free September. Vous êtes sur Fairjet dans l'émission La Nature et moi, où chaque invité partage ses engagements pour la planète et son souvenir marquant face à la nature. Sébastien est engagé dans plusieurs actions solidaires et écologiques, comme celle des frigos solidaires à Nancy. Et ton souvenir nous a amené dans la forêt pendant une randonnée à vélo. As-tu encore le temps de te promener en forêt ? Le temps, j'aimerais bien, mais étant sur Nancy, il n'y a pas vraiment beaucoup de forêt. À la limite, il y a la pépinière, encore, ouais. C'est pas du tout une forêt. et après, rentrant chez moi, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, je fais beaucoup d'actions là-bas et ça me prend pas mal de temps. Donc non, mais j'aimerais beaucoup y retourner. Ouais. J'attends qu'il pleuve moins et que ce soit un peu plus sec, et je pense que j'irai quand même refaire un tour. Yeah. Alors, l'émotion que tu as choisie, en fait, il y a trois émotions mêlées. Il y a la rage, la colère et le désespoir. Alors, tu ajoutes la rage, la colère de ne rien pouvoir faire de plus que ce qu'on peut faire au niveau individuel, mais aussi, du coup, une once de désespoir face à la situation. Depuis quand tu ressens toutes ces émotions ? Depuis que je suis au fait au niveau de l'évolution écologique, donc de la chose aujourd'hui. Depuis que je vois qu'il y a vraiment une échéance, parce qu'il y a vraiment une échéance, les gens ne se doutent pas, parce que c'est vrai qu'on le, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'on leur dit oui, dans 10 ans, c'est la fin du monde, oui, dans 10 ans, il y aura ci, oui, dans 10 ans, il y aura ça, et à chaque fois, il n'y a jamais. Mais là, en l'occurrence, c'est très simple. Si on commence à trop attaquer le permafrost, donc la couche de glace la plus épaisse et la plus ancienne, au monde, si on commence à l'attaquer en la faisant fondre, donc avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est très simple. Du jour au lendemain, on pourra arrêter toute émission de CO2 humaine. Le simple CO2 qui sera rejeté par le permafrost fera fondre encore plus de permafrost, etc., etc. Phénomène d'aggravation et juste, c'est terminé à ce moment-là. Donc moi, ça me fait très très peur, ça me fait très peur, mais d'un autre côté, c'est la peur qui mène dans mes actions, voilà. Et qui me donne envie encore plus de faire tout ce que je peux faire en la matière avant que ce soit trop tard, pour me dire, voilà, il y aura beaucoup de personnes avec des remords, mais moi, pas du tout. J'aurais fait ce que j'ai pu à mon niveau. Mais voilà, moi, c'est ce genre de constat qui me fait peur. C'est le constat de voir que, qu'il y a ce genre de choses d'un côté, qu'il y a l'inaction de l'autre. C'est cet ensemble qui me met un peu hors de moi. Parce que on en arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire que tant qu'il y a l'argent qui rentre, il n'y a pas de souci. Alors peut-être que nous, on n'est pas au fait, nous, petits humains, individus d'en bas, nous ne sommes peut-être pas au fait. Peut-être que demain, il y aura vraiment un problème et que de ce fait-là, les gens se disent « bon, bah, continuons à polluer, ça ne sert à rien de s'arrêter ». Mais moi, je pense que, qu'il faut arrêter, sincèrement, qu'il faut revoir notre mode de consommation, qu'il faut revoir tout ça. Alors oui, ça demande un pas de géant en très peu de temps. Mais d'un côté, c'est ce qui est totalement adapté à la situation. Parce que le point écologique, là, le point de non-retour, et même ce qu'on a fait juste avant en la matière, avec toutes les émissions de CO2, c'était un grand pas sur l'échelle non pas de l'humanité, mais sur l'échelle planétaire. Je veux dire, quand on voit les anciennes... je regardais l'autre jour un article, après je m'y connais pas à 200%, mais quand on voit les anciennes... période d'extinction d'extinction de masse, c'est, il me semble qu'elles sont au nombre de 5 avant nous, 6, nous on arrive sur la 6e, ou à moins qu'on arrive sur la 7e, mais les anciennes périodes, c'est des périodes qui se déroulent sur des millénaires, sur 50 000 ans, et sur 50 000 ans on perd 70-80% des espèces. En quoi, en 200-300 ans on a perdu moitié moins des espèces, si ce n'est plus. Je veux dire, c'est extrêmement alarmant sur une échelle du temps, c'est extrêmement alarmant. La hausse des degrés, je veux dire, on prend là sur les trajectoires sur laquelle on est avec l'inaction actuelle, on est sur du 6-7 degrés, un truc comme ça, alors qu'avant ils tablaient sur du 2 degrés, 3 degrés, là on est sur du 6-7 degrés parce qu'il n'y a personne qui respecte les accords de la COP21, et de ce fait-là, c'est très compliqué de voir de l'espoir dans tout ça, même si j'en vois suffisamment, et suffisamment pour s'y atteler. C'est pour ça que je mets quand même entre parenthèses désespoir, parce qu'au final, s'il y a le désespoir, il y a de l'espoir à côté. C'est pas possible que le désespoir soit seul, mais ça doit nous faire prendre conscience à tous ces constats qui sont posés par le GIEC. Je veux dire, je l'invente pas, je veux dire, personne ne les invente. On peut pas être climato-sceptique, pardon, si à côté il y a un aussi gros consensus scientifique en la matière. Donc à partir de là, ça doit nous imposer, nous faire prendre conscience qu'il faut qu'on change certaines choses, il faut qu'on change notre mode de consommation, il faut qu'on revoie plein de choses. Et pour moi, tout ça, ça doit venir non seulement de l'individu, oui, au niveau conscience, mais pour moi, ça doit surtout venir au niveau de l'État. Parce que dans les contraintes de temps dans lesquelles on est établi aujourd'hui, il faut que ça vienne des actions de l'État. Et moi, ça me fait... Je le dis honnêtement, hein, moi ça me fait très rigoler de voir Emmanuel Macron s'en prendre à un jeune étudiant. Non, c'était pas un étudiant, c'était un lycéen qui plus est, qui l'interrogeait la dernière fois, il y a peu de temps, hein, sur la question écologique. Et là, il s'est permis de lui rouler littéralement dessus, c'est-à-dire qu'il l'a complètement explosé avec tous les arguments possibles. Il a limite humilié le gamin. Et moi, ça me fait rigoler de voir ça, parce que là, à ce moment-là, Macron nous dit qu'il fait énormément de choses en matière écologique, qu'il est complètement à la page. Mais non, il est complètement à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque parce que... Alors oui, peut-être qu'il fait des choses en matière écologique. Je vais pas lui retirer ça. Mais attendez, faire ce qu'il fait là, il y a rien d'ambitieux et c'est pas du tout adapté à ce qu'on lui demande. Nous, on demande un changement de paradigme. Lui, il va nous fermer il va nous fermer une dernière centrale à charbon. Je veux dire, ça à voir, mais c'est pas substantiel pour faire changer les choses. Il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus énorme. Je veux dire, il y a des solutions, on les connaît. Je veux dire, qu'est-ce que ça nous coûte d'essayer de tabler notre mode de consommation sur du local? Qu'est-ce que ça nous coûte? Non, à côté de ça, il va aller faire un accord avec l'accord du CETA pour aller ramener toujours plus de viande et compagnie, mais du Brésil cette fois. Je veux dire, déjà qu'on mange difficilement correctement, mais en plus de ça, il va nous ramener de la viande qui est complètement nourrie aux OGM, qui est mauvaise déjà pour la santé, qui est extrêmement mauvaise d'un point de vue environnemental. Donc à partir de là, moi il m'inquiète, Emmanuel Macron. Après, Après, moi, après, il a le discours politique bien rodé. Et puis, je le dis sans complexe, hein, même si je serais quelqu'un de l'opposition, il parle très bien. Ah oui. Et c'est dommage. Eh bien, pour illustrer ces émotions-là, j'ai choisi dans ta playlist le groupe, enfin deux personnes, donc Orelsan et Kerry James, avec le titre « À qui la faute ?» Je voulais faire un film. Je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal Plus, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux vides. Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils de, il n'y a que ma détermination qui est. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui est la faute. En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave, je n'ai pas l'état français pour maître. Pourtant l'état français continue de vous la mettre. Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes. Pour mieux faire croire que si t'as échoué, c'est que t'es bête. Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre. Un seul film de Kerry James te s'en fait pas des bobos de merde, wow. Tu t'en es sorti tout seul, tu vois ce que je veux dire, tout seul. Pauvreté, combien sont sous le seuil. Depuis la bonne idée de l'État de s'enrichir sur les immigrés, de leur refourguer les quartiers où la classe moyenne se suicidait. Mais compare ces quartiers à ce que nos parents ont fui. Le poids, la baisse, c'est le luxe pour quelqu'un qui vient d'Haïti. Quand j'observe ceux qui ont plus, je me rappelle de ceux qui ont moins. Dans ces lois, je me souviens, je n'ai jamais vu maman se plaindre. Sais-tu d'où l'on vient? Ouais, je m'en suis sorti tout seul. T'as bien compris, tout seul, hein. Pauvreté sous le seuil, les banlieues ne sont pas les seuls. Campagne à l'abandon, la misère est aussi rurale. J'en connais des petits blancs pour qui la vie est brutale. Les blancs souffrent aussi, merci, je voyais pas les news. La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. La France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris. Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. Je connais les quartiers vus par ceux qui mettent pas les pieds. Quand parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits. J'ai grandi dans, traîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser. Mythes et légendes à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange. Galère sans contre-exemple, l'avenir sera ton présent. Pas de colonie sans conséquence, racisme anti-blanc, tant de complaisance. Crois-moi, je connais cette France. Je dis pas que tout le monde est mauvais, je dis que peur et négligence rendent une population. Y'a ce racisme en France, à qui le dis-tu? J'ai écrit une lettre à la République, toi, où étais-tu? On ne fait pas bouger les choses en dressant seulement des constats. Subir ou agir, je vais te le dire, cache-moi. La vie est une question de choix, ni de gauche ni de droite. Mais si nos frères ne trouvent pas de taf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part monter leur propre boîte? T'observes le monde avec un strabisme, t'es naïf, tu crois encore à SOS racisme et au manif. Je suis pas naïf, je suis trahi, je crois plus qu'on m'a appris. L'égalité, la patrie, ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis? Monte ta boîte, qui s'enrichit sur ton crédit, rentre dans le système ou péris, oublie tes rêves dans un hall de mairie. Tant qu'ils parleront d'élite, ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites, mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique. L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil. Un seul modèle de réussite, le leur basé sur l'oseille. S'ils aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux. Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu. Système en pyramide, l'argent monte, la merde reste en bas. Je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les dérange pas. J'ai des frères qui sont partis. Je vois pas la tessie en rose car j'ai poussé parmi les sorties. J'ai vu des mecs remplis de vices fumer un type que leur mère considérait pourtant comme leur propre fils. Balle dans la tête, mort violente. Est-ce l'État qui appuie sur la détente? Comme dans les quartiers nord, on finit par s'y faire. On n'a jamais eu besoin de l'État pour remplir nos cimetières. Bavure policière, pas de filet de sécurité. Contrôle d'identité à l'âge où tu sais pas quitter. Finir par glorifier des trucs peu glorieux. Grandir dans le feu, y a plus d'obstacles, ils sont plus dangereux. Mets ta vie en jeu. Trafic de stup à des fils de enfermés. Pour qui s'évade en soirée, t'es qu'un pion dans leur petit jeu. Des politiques, y'a que la gloire qui les motive. Comment croire le contraire quand les présidents sont des meufs du showbiz? Dans le showbiz, combien de banlieusards millionnaires ont banni le mot solidarité de leur dictionnaire? De l'oseille, on en a pris, hein? Combien d'entrepreneurs, combien de stars la banlieue a produit? Mais le succès les rend amnésiques, la peur de perdre ce qu'ils croient posséder, paraplégique. Combien osent monter au créneau? Combien osent leur faire face quand ils nous salissent dans leurs journaux? À qui la faute? Je n'essaie pas de nier les problèmes, je ne compte pas sur l'état moi, je compte sur nous-mêmes. À qui la faute? Cette question appartient au passé. Je n'ai qu'une interrogation moi, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, à qui la faute? Dis-moi à qui la faute? Nous venons d'écouter Orelsan et Kerry James avec le titre « À qui la faute ?». Vous êtes bien sur Fadjet, l'émission La Nature et moi, et nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Brisson qui nous a fait partager ses émotions face à la catastrophe environnementale. Alors Sébastien, tu voulais nous en dire un petit peu sur ce groupe ? Ce groupe, c'est même plutôt un duo donc, oui. Qui se réunit rarement, donc Kerry James, Orelsan. Et là, ils se sont réunis donc, à l'occasion d'un film, « Banlieusards », diffusé sur Netflix actuellement. Je recommande vivement à vos auditeurs. Donc franchement, moi, ça, le clip là et globalement le travail de Orelsan et plus largement de Kerry James, parce que là, c'est plutôt Kerry James qui défend et dénonce depuis un certain nombre d'années. Moi, ça m'intéresse énormément parce que ça me parle. Je veux dire là, la chanson « À qui la faute ?», donc qui traite de savoir l'État et l'unique responsable de la situation dans les banlieues. Moi, ça me touche particulièrement. Je veux dire, moi, je suis né à Mont-Saint-Martin. J'ai vécu pendant longtemps, et j'y vis encore avec mes parents, évidemment, à Mont-Saint-Martin. Et c'était particulièrement... nous, on a habité toute la plus grande partie de mon enfance, donc dans le quartier, entre guillemets, chaud. Donc avec une précarité quand même assez énorme, beaucoup de mères au foyer, des jeunes qui dealent dans la rue, des jeunes qui sont en route vers la délinquance, vers la facilité. Et moi, ça me parle, en fait, le message de dire, voilà, à qui la faute dans cette histoire-là? Bon, moi, je partage l'avis de Kerry James, c'est-à-dire que c'est la faute des deux. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir la motivation pour essayer de changer le système, aller à contre-courant. Et à l'inverse, il y a l'État, quoi. Il y a l'État qui met en place ce genre de choses. Et pour revenir justement sur la question écologique, parce qu'on y revient toujours irrémédiablement, qui c'est qui va trinquer les premiers sur la question écologique? Ce sera les personnes des banlieues en France. Mm-hmm. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les plus pauvres qui trinquent au début, et ce sera eux. Donc moi, voilà, la musique-là me parle énormément, il dit beaucoup de vérités que les gens ont du mal à entendre, et je pense qu'elle est prouvée aujourd'hui dans ce qu'elle établit en fait. Avec la situation, quand on voit la question du racisme en France, je pense qu'on peut pas l'éluder et elle est vraiment présente. Et j'invite chaque personne qui ne serait pas d'accord avec moi à allumer sa télé, à aller sur CNews ou BFM TV aujourd'hui et il verra les personnes qui passent là-bas et se convaincra lui-même de la situation. Ouais, bah écoute, merci beaucoup Sébastien. De nous avoir fait partager tes engagements, ton émotion face à cette belle nature. Ce fut un moment particulièrement intense, je dois dire. Alors, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Alors, chers amis, je vous rappelle que l'émission est podcastée. Pour y participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Fadjet ou sur ma page Facebook La Nature et moi. Vous y retrouverez les références culturelles, sociales et musicales. En attendant de partager avec vous un autre moment émotionnel, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas, laissez-vous émouvoir par la nature. À bientôt, ciao.